Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux, parce que d'un côté... Théâtre à la place, manifeste. Nous constatons qu'un théâtre est vide. Nous nous ruons sur l'occasion pour expérimenter une pratique de l'art à côté des contraintes dictées par le marché, la profession, la poursuite d'une carrière, l'exercice d'un métier, la production. Notre action nous est propre, elle est une réponse que nous trouvons aujourd'hui parce que le terrain est propice, la situation favorable. Au slalom dans l'institution, nous préférons une action collective, autonome. L'art contient suffisamment de politique pour ne pas dépendre des politiques, qu'elles soient culturelles, sociales, populaires, en tout cas déterminées par un calendrier électoral. Nous ne voulons pas être les collaborateurs actifs d'un programme politique. Nous ne réclamons rien, nous n'attendons rien. Notre occupation du théâtre de la place est instinctive et nous l'estimons nécessaire. Nous la défendons parce qu'il n'y a pas mieux à faire dans l'instant. C'est un geste pour dépasser le vide. Ce n'est pas le plus radical et nous le croyons juste parce que généreux. Les théâtres sont à nous, les théâtres sont à tous. Nous voulons fabriquer un rituel qui s'appelle le théâtre, qui fait partie de la vie et qui, à ce titre, a lieu sans être mystifié ni déprécié. Nous voulons fabriquer ce lieu qui s'appelle le théâtre, ouvert au public, au centre, qui est un lieu de passage autant que d'ancrage. Nous n'attendrons pas d'avoir 1000 fois fait nos preuves pour nous sentir légitimes. Nous avons la volonté de faire les choses simultanément et non plus successivement. Nous ne passerons pas plus de temps à chercher de l'argent qu'à faire du théâtre. Nous voulons faire se percuter art vivant avec art de vivre. Une société a le théâtre qu'elle mérite, supposons que nous méritons mieux. Le théâtre de la place devait rester inoccupé en attendant sa destruction. Nous l'ouvrirons tous les jours, nous y jouerons tous les jours, gracieusement. Nous invitons quiconque voudra faire avec la situation et les conditions qu'offre le lieu. Nous souhaitons découvrir ce qu'est un théâtre libre et ouvert à tous en permanence à Liège. Yeah, merci pour ce bout de lecture, quoi. Et donc, on est ici à Liège, au théâtre, comment on dit ? À la place. Théâtre à la place. Ça s'appelle comme ça ? Ouais, à la base, c'était, en fait, c'est l'occupation du théâtre de la place et c'est devenu le théâtre à la place. Donc on ne voit pas, c'est ça qui est génial en radio, il y a 2 personnes. On n'en a entendu qu'une, il y en a une deuxième. Bonjour. Bonjour. Donc, qui je rencontre, en fait ? Vous êtes qui, en fait, vous deux ? Donc, nous, on est 2 étudiantes de l'ESAC, du Conservatoire de Liège. Et on a, en février, eu l'idée, parce que voilà, on se disait qu'on devait investir ce lieu qui est le Théâtre à la Place et y participer. Et en créant, le soutenir en créant ensemble. Et donc, on a eu l'idée d'organiser ce festival un festival pluridisciplinaire de forme courte, en invitant tout le monde, en fait, en faisant des appels à la création à différentes écoles de Belgique. Et voilà, et on a eu plusieurs réponses. Attends, parce que... Donc, on est ici au théâtre... Je suis désolée, hein, les filles, des fois. Théâtre à la place... Et à la base, c'était un théâtre... Institutionnel, quoi. Et puis, ça a été investi par des... Puisque, en fait, c'était un théâtre qui a été construit, le bâtiment a été construit parce qu'il y avait des rénovations à faire dans le bâtiment de base du théâtre de Liège. Et donc, on a construit le théâtre de la place en attendant que les constructions du théâtre de Liège soient faites. C'était censé durer 2 ans et ça a duré beaucoup plus longtemps. Et puis finalement, ils ont terminé les rénovations du Théâtre de Liège. Donc tout s'est redéplacé vers le Théâtre de Liège et ils ont abandonné le lieu. ce bâtiment-ci, le théâtre qui est devenu maintenant le théâtre à la place. Et donc, quand nous constatons qu'un théâtre est vide, le manifeste, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'un espace est laissé à l'abandon. Or, c'est un endroit de création, et donc il faut l'investir, quoi. Et c'est ça qui a été le mouvement vers le théâtre. Après, nous deux, on n'a pas fait partie de ce mouvement-là. On est venu par après, parce que Ouais. Parce que vous avez envie de faire ce festival. Mais l'idée, en fait, c'est pas vraiment faire de la pub pour le festival. C'était plutôt parler de la démarche, puisque de toute façon, vous le savez pas, mais micro ouvert l'émission, ben voilà, c'est un peu intemporel. C'est savoir deux individus qui vous rencontrez, vous connaissez, et vous lancez l'idée de créer un festival dans un théâtre, à la base à Liège. Et ce théâtre est vide. Voilà. Les gens sont plus là. Ou c'est une autre populace, du coup ? C'est une autre population. En fait, ce qui est beau, c'est que ce que j'adore dans ce lieu, c'est que c'est des gens d'horizons complètement différents. C'est pas du tout que des théâtreux. Le bâtiment, il est ouvert à tous ceux qui veulent s'y investir, d'une manière ou d'une autre. En créant ou en construisant, en faisant vivre le lieu, quoi. Du coup... Et ça marche, il y a du monde qui vient et ça bouge, il y a du mouvement, vous êtes contente parce que quand vous décidez de faire un festival, est-ce qu'il y a des gens connus, inconnus ? Inconnus, je suppose que oui, mais des gens aussi connus qui auraient envie de jouer aussi au théâtre où il y a plein... Où c'est désert, hein. Enfin moi je me suis prenée un petit peu là, c'est quand même désert, c'est un peu le bazar quoi quand même, non ? Oui complètement, c'est un squat quoi, c'est pas... Et après, on s'est quand même réjouis de l'engouement que ça a pris et du soutien de tout horizon, parce qu'effectivement, on est deux étudiantes, on n'a pas de budget, rien, et tout le monde... Tout le monde est venu bénévolement, tout le monde a fait ça juste pour le plaisir de le faire. En fait, ce qui était génial, c'est que ça s'est fait très très vite. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est fait ? Qu'est-ce qui s'est fait ? Ah, le festival. Oui, on reparle du festival parce que c'est notre manière de participer. Voilà. C'est votre bébé, quoi. Oui, d'abord c'est notre... C'est votre création. Oui, et puis c'est notre manière d'être ici. Voilà. C'est-à-dire qu'en dehors de ça, nous on n'a pas été... Enfin, on est venu voir les spectacles qui se faisaient, etc. Mais on n'a pas créé autrement que comme ça. Donc on ne sait pas... Ce qui est particulier au Théâtre à la Place, c'est qu'il n'y a pas d'hiérarchie, tout est horizontal. Donc chacun a d'une certaine manière la même place, ou plutôt la place qu'il prend. Et donc nous, la place qu'on a prise, c'est celle-là. Du coup, on ne s'est pas parlé de tout parce que c'est on ne s'est parlé que de ça. Quoi. On parlait du festival. On s'est parlé du festival et de notre manière notre de voir. C'est notre action de soutien. C'est, oui. Carole, mais voilà, tu disais, plus on veut essayer de convaincre, plus... Toujours dans une bagarre de l'ego, du mental, tu vois, si tu essayes de convaincre quelqu'un, c'est toujours en conflit, c'est toujours l'ego, le mental, qui est au-dessus de l'âme, au-dessus des valeurs du cœur. Et donc je pense que c'est pas le bon chemin, c'est pas le bon raisonnement. Faut aller dans les valeurs du cœur, point barre. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Tu es comme tu es. Et voilà, on t'accepte tel que tu es. On ne t'accepte pas, ben tant pis. Ouais, ce serait tellement, tellement beau qu'on devrait plus convaincre les uns les autres, mais on t'accepte tel que tu es. En même temps, à l'échelle du monde, c'est tellement des fois pas comme ça qu'il faut se battre. D'ailleurs, j'ai été voir une pièce de théâtre où la pièce racontait ça. C'est une mère, alors c'est très forcé exprès. Une mère à un enfant, on voit l'accouchement et il y a un petit qui sort. Et elle lui dit « Tu vas t'appeler Guerre ». Déjà, ça raconte plein de choses. Son prénom, c'est Guerre. Et elle lui dit « Tu vas devoir te battre maintenant pour obtenir ce que tu veux. Les gens sont tous des méchants. Il ne faut pas se fier à eux. Il ne faut pas leur faire confiance. C'est toi qui comptes. » D'accord ? Et on voit comme ça des scènes. C'est bien foutu, on voit des scènes dans cette pièce de théâtre où bah, elle est occupée à conditionner ce gamin pour que ça devienne un être hyper violent. Et donc on le voit dans les scènes suivantes, il se bagarre tout le temps, c'est à coup de force et machin. Et puis il y a une chouette petite parenthèse, c'est qu'il tombe sur plus fort que lui, d'accord ? Qui le met au sol, boum. Alors ce qui est marrant, c'est intéressant de voir ça, c'est que le gamin, il fait de la boxe, il utilise de ses poings. D'ailleurs, il les a toujours fermés parce qu'il doit serrer les poings. Et il tombe sur un chinois qui fait une prise, tu vois, de kung-fu. Oui. Et il est par terre. Donc, il a trouvé plus fort que lui. Et l'idée, c'est de dire, mais t'es vraiment un imbécile. T'es vraiment un imbécile. Et le gamin, qui a grandi, évidemment, hein, je dis gamin, mais il doit avoir, il est plus grand, quoi. La morale de l'histoire, elle est comme ça, elle est de dire, comme tu as fait du mal tout le temps sur ton chemin, avec ta force, hein, t'as fait du mal, eh bien, nous aussi, on va te faire du mal. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête, mais non, on va pas faire comme toi, ce serait absurde. Tu vois, du coup, et c'est ça qui est joli dans cette histoire, enfin voilà, que ça sert à rien d'aller faire le... On t'a fait du mal, t'en as bien bavé, mais ça sert à rien en fait de répéter aussi, mais tu vas voir, ma vengeance va être terrible. Tu passes au système de violence, enfin, tu dois à un moment quitter ce système de violence ou d'éducation, parce que là, le gamin, il n'en peut rien, c'est sa mère qui l'a conditionné à... À la base, c'était certainement un petit être pur qui voulait certainement peut-être autre chose de sa vie, mais on l'a conditionné. Et la société, elle fait pareil. On est toujours conditionné à... Mais bon, je pense qu'il faut faire un grand marche arrière. Il faut revenir aux valeurs du cœur. Je pense que c'est ça qui va un peu... La solidarité, l'amour. Plus aller dans ce créneau-là, on voit bien là où on va. Quoi. Il y a des guerres partout. Il faut continuer comme ça. Je crois pas, on va... Enfin, on va à l'échec. On est dans le chaos total, quoi. C'est clair, mais après, on va démarrer ce micro ouvert parce qu'on l'a démarré comme ça. C'est assez beau aussi. C'est de dire, oui, comme il y a des guerres, il y a des choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien comme ça pour essayer ? C'est pas évident, quoi. C'est pas évident quand même de continuer à croire aux valeurs du cœur. Comment on fait, quoi, Carole ? Si tout le monde réagit, si tout le monde. Enfin, il faut d'abord quand même une énorme prise de conscience par rapport à ça. Et il y a des gens qui réagissent, comme nous, là, aujourd'hui. On a une autre vision, on a une vision différente de la globalité des gens. Mais des gens comme nous, il y en a énormément. Donc si tout le monde amène sa petite pierre, et si tout le monde amène son petit truc, petit à petit, il va y avoir du changement. On n'est pas tout seul à penser comme ça. Hein. On n'est pas tout seul. Je pense qu'un jour, on va se réunir et que ça va faire un gros boom et que ça va pouvoir peut-être renverser passivement un système. Je l'espère. Oh, c'est beau. C'est vachement positif comme pensée. Dommage qu'on n'ait pas dimanche parce que ça ferait un petit peu, tu vois, religieux, spirituel. Coucou, Alain. Ça va? Parce que l'idée de ce micro ouvert, c'était ici, on est dans ta maison, mais qui va plus être ta maison. Voilà, t'es en plein déménagement. Tu vas partir. Encore une fois, je crois que tu es un peu nomade, toi, non ? C'est quoi un peu ? Qu'est-ce que t'aurais à dire là-dessus ? Ça me rappelle que quand j'avais 17 ou 18 ou 20 ans, je n'ai jamais imaginé d'avoir une maison. Je détestais même l'idée. Pour ne pas devoir arrêter la vie. Et puis, circonstances de la vie, avec des enfants, peut-être que c'était plus simple, peut-être. Ça a duré pas trop longtemps, 10 ans. Et puis depuis lors, de fait, c'est un mouvement continu, mais qui est très chaleureux parce qu'à chaque fois, c'est une personne ou une autre qui m'ont dit « Ah, si tu veux, tu peux venir habiter là. » J'ai jamais dû chercher. Et lorsqu'il y avait un enfant ou deux ou trois avec moi, il y avait une solution qui se présentait. Parfois un petit peu de patience, mais toutes les solutions sont toujours arrivées. Puis moi-même, à un moment donné, j'ai accueilli dans mon appartement une femme avec ses trois enfants, et puis finalement, c'est les miens qui ont pris leurs ailes. Et moi-même aussi, parce que je trouve que c'était plus juste que cette personne puisse rester là. C'était à son tour de bénéficier d'un endroit facile d'accès avec trois petits-enfants, etc. Et puis j'ai refranchi la Meuse pour retrouver un peu ma culture, où là il y a des bois et suffisamment de vaches. Et des ours. Il y a de l'ail des ours en tout cas. Voilà. Donc ça m'a rafraîchi, ça m'a bien fait comprendre que c'était bien ça, ce genre d'espace-ci. Puis je me remets un petit peu en route, puisque c'était une transition, il fallait quitter pour pouvoir un peu repartir, sortir un peu de la marmite qui bouillonnait pas bien, ou pas de la bonne manière. Puis maintenant je repars un an, trois ans, cinq ans, là où les distances sont moins longues à faire au quotidien, dans un espace culturel qui n'est pas le mien, donc je vais rester probablement un petit peu en dehors, parce que la manière de penser, d'exprimer, c'est pas moi. C'est plus peut-être avec les ours dont tu parlais. Avec les ours dont tu parlais. Mais quelque part, c'est la vie du moment, donc... Par rapport à ce que disait Carole il y a deux minutes... C'est très intéressant justement de devoir se réfléchir presque tous les jours et rester bien ancré dans le désir de sa manière d'être. Quand j'y désire, c'est qu'on n'est pas parfait tous les jours, heureusement d'ailleurs. On peut se regarder tout le temps. Là j'ai un peu dévié, où je me suis laissé embarquer ou emporter dans une aspiration qui n'est pas nécessairement celle que je choisirais ou que j'essaierais de faire vibrer. Et puis, en parlant avec plein de personnes de plus en plus, cette idée d'être plutôt que d'affirmer, ça me paraît très juste. Et quand on voit un groupe, je ressens très fortement que depuis quelques années, ils sont tous désireux d'un espace plus serein, plus écologique au sens d'une relation plus juste entre soi et les autres, entre soi et la nature. Je vois ça chez tout le monde, je crois. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas facile à réaliser au quotidien parce qu'on était appris, ou réappris plutôt, soit à travailler sur une forme de confort obligé, qui est fallacieux parce que c'est pas avec des cartes de crédit qu'on peut se sentir en joie. Mais c'est vrai que si l'une ou l'autre personne, moi le premier, probablement à un moment donné, on sort ce genre d'outil, que ce soit une carte de crédit ou un billet de 5 euros, pour compenser, quoi. C'est qu'à ce moment-là, on ne sait pas faire autre chose, ou autrement. Et qu'on est tellement appris à aller là-dedans, et ça c'est le désir du rêve de l'autre qui vient en soi. Qui a été inoculé comme ça, par petites gouttes. Il y a une fable que Pierre Rabhi raconte là en Afrique, avec l'argent, qui met en un mot, où le gamin de la famille était à la ville, parce que c'est quand même mieux que dans le village, puis il revient avec de l'argent dans le village, il le donne à sa mère, qui sait absolument rien en faire, le met sur la fenêtre. Voilà, donc ça c'est un peu le rêve de l'autre. Ces gens peuvent très bien sourire dans leur vie, On le voit en Inde, les gens sont d'une très grande pauvreté pour la grande majorité, mais il y a un immense sourire pour beaucoup. Pour beaucoup, ce n'est pas le cas, mais pour beaucoup, c'est le sourire qui est là. Donc, c'est cette espèce d'inoculation de gestes qui ne sont pas inhérents à la vie humaine, à sa nature profonde, bah, il faut s'en prémunir. Et ça, c'est très compliqué. Alors, le nomade, bah, c'est intéressant parce que ça mène à toujours regarder autrement soi-même, d'abord, logique, mais aussi, tiens, je suis accueilli de telle manière à tel endroit, c'est une nouvelle culture qui m'accueille. Oh, intéressant, chouette. Ça me permet d'éveiller encore d'autres petites choses en moi-même. À chaque fois, c'est une adaptation et aussi un regard curieux et d'appréciation. À chaque fois, c'est différent, ne fût-ce qu'un petit peu, parfois c'est beaucoup différent, c'est fortement différent. Et puis après, on peut le repartir, quoi. On peut le retransmettre, on peut le redire à d'autres. Ah tiens, là-bas, ils font comme ça. Et c'est venu pas à pas, parce que personne ne l'invente réellement dans sa petite tête. Dans 3 ans, il faut que ma maison ressemble à ça. Sauf s'il y a une forme d'architecture qui a été balisée, genre toutes les maisons avec des briques rouges de telle teinte, dans un règlement urbanistique. Là, c'est façonné de manière abstraite. Mais tant qu'on n'est pas coincé dans ce genre de solution prémâchée par quelqu'un d'autre, c'est toujours très passionnant de voir comment les gens, au fil du temps, ont enrichi leur espace, l'ont aménagé. Daniel, il a construit pas à pas. Non, parce que ça paraît évident, mais donc Daniel, c'est le gars à qui appartient la maison. Comme ça, on suit un peu. On suit le fil de ta pensée, mais voilà, Daniel, c'est qui ce monsieur? Ben voilà, je précise, c'est le gars à qui appartient la maison, dont Alain profite de temps en temps, et puis voilà, je rappelle qu'il doit partir pour toujours. Mais c'est pas un départ pour toujours, puisqu'on a une grande amitié, donc on se reverra le plus fréquemment possible, simplement pour éviter de faire 100 km par jour. À un moment donné, ça devient un petit peu épuisant. Oui, parce qu'en fait, Alain, comme il l'explique au début, il aime la nature, il se retrouve dedans, mais c'est assez loin de son boulot, en fait. Et donc, il se retrouve à faire des trajets de dingue en voiture pour avoir des moments, tu me dis, de liberté, au fond, parce qu'il aime cette nature. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il déménage. C'est parce qu'il doit se retrouver plus proche de son boulot. Il en a marre. On comprend. Enfin, moi, je comprends. Ben, pour le moment, il n'y a pas assez de week-ends dans la semaine. S'il y avait plusieurs week-ends dans la semaine, ben, je n'aurais pas besoin de faire ce redéménagement dans l'autre sens. Ben, je suis parti de l'idée il y a déjà quelques temps. Beaucoup de personnes, beaucoup, consacrent du temps pendant l'été à aller dans un gîte en montagne, et un gîte relativement dépouillé, où il y a une table, deux chaises, peut-être une petite cafetière sur gaz et pas plus, et éventuellement une couchette en bois sur laquelle on met un matelas. Ça veut dire que beaucoup recherchent ce dépouillement, cette grande sobriété, pour retrouver un peu leurs racines, que les os commencent à de nouveau à vibrer. Quoi. Ben, voilà, je trouve que c'est un schéma. Si on est à même de rechercher ça pour se dépouiller et s'épurer, pourquoi pas essayer de vivre de cette manière-là tout au long de l'année, autant que faire se peut. Ben, je trouve ça, voilà, c'est un peu stimulant, c'est un peu créatif, puisqu'on doit recréer un monde à partir de ce qu'on ressent soi-même le plus intimement possible. Et c'est hyper différent de ce qu'une forme de, on va appeler le mot société, voilà, bon, on n'en trouve pas d'autre pour le moment, a mis en place. Où il faut, si possible, 3 micro-ondes dans la maison, 4 postes de télévision, c'est mieux, une dans chaque pièce, c'est quand même plus facile. Voilà, c'est ce genre de mécanisme dans lequel on a été amené pas à pas, mais il faut les regarder de plus en plus loin, si possible, pour dire, mais réellement, si je construisais moi-même mon monde, je le ferais comment? Parce que je réagis, mais c'est ça aussi la grande question, c'est est-ce qu'on te donne la possibilité de penser ton monde? Voilà. Est-ce que depuis la plus tendre enfance, on fait tout pour que les humains, donc les petits-enfants à commencer par eux, soient complètement libres, à pouvoir vraiment être créateurs? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que Là, tu me cherches un peu, parce que la réponse, elle est depuis la tendre enfance, on fait tout pour que les enfants ne soient pas créateurs de leur monde. La scolarisation, c'est l'art d'inculquer une manière de penser qui a été programmée, où globalement, on fait mémoriser des choses inutiles, voire impertinentes, de toute manière non pertinente. Et si possible, en faisant asseoir des enfants et puis encore des adolescents 8 heures par jour à écouter ce que quelqu'un ou des quelqu'un vont leur dire. Des quelqu'un qui n'ont jamais quitté l'école par eux-mêmes, puisqu'ils sont passés du statut d'enfant, jeune, apprenant, à maître d'école. C'est très curieux. Donc, quelque part, c'est une forme de dogmatisation et de mise en carcan de la manière dont on doit penser le monde. Peut-être la socialisation, bon, être capable de vivre en groupe, il y a une part qui est quand même importante, mais il y a une part quand même peut-être trop significative d'inutile ou de non pertinent. Et comment on fait alors pour créer son monde, Carole ? Parce que tu es là, on écoute, mais le micro aussi t'est tendu. Comment on fait pour créer son monde ? Est-ce que d'ailleurs, des gens savent qu'il y a moyen de créer un monde ? Tu vois ? Est-ce que... Écoute, moi je suis dans une situation pour l'instant où je pense qu'on me force à le faire. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé... Je suis en Belgique, donc il y a un système social de chômage et tout ça qui est mis en place, mais qui est en train de tomber. Ce qui te donne très peu de temps, de moyens financiers en tout cas pour réagir. Donc je suis consciente que, ben oui, jusque-là j'ai travaillé, j'étais un système de fourmi ou... employé, salarié, je travaille, je reçois un salaire. Là, je vis une situation que beaucoup de gens vivent. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus vraiment d'aide financière. Par le biais du chômage, c'est ça qui se passe ? Par le biais du chômage, oui, par le biais du chômage. Donc, je pense que ça amène à autre chose. Enfin, moi, ça va m'amener à... positivement, à oui, à, finalement... être créatrice de ma vie. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. C'est même une très bonne chose, finalement. Aux gens qui réagissent bien, en tout cas, et qui vont pouvoir rebondir et avoir une certaine prise de conscience sur ce qui se passe, c'est un bon tremplin. Mais je réagis parce que, évidemment... c'est quelque chose, il faut trouver le positif en soi. Mais comme là on discute et qu'il y a des gens qui vont entendre, c'est quand même révoltant aussi. Ben, faut pas simplement dire je vais le prendre bien, ça va être créateur de quelque chose. Ça, évidemment, mais c'est dégueulasse aussi. Je trouve que c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui vont... Tu comprends ce que je veux dire, hein ? Oui, oui, mais... C'est révoltant oui, qu'un d'accord. système éjecte... Ok. Qu'un système... Que des gens se sont battus, c'est pas, c'est des gens qui se sont battus oui, pour que des droits existent et que petit à petit, ouais. ces droits vitaux, parce que c'est même pas que tu vas aller les chômages, c'est là, hein, le chômage, on sait que c'est pas beaucoup de sous, c'est le minimum pour vivre mm-hmm. et que c'est dégueulasse, il faut le dire aussi. Alors tant mieux que tu sois positif et que ce soit créateur et etc. Mais c'est dégueulasse qu'un système est occupé à mettre tous ses combats à la poubelle. Quoi. Quoi, voilà. Peut-être que si ce système-là, ce système pyramidal doit tomber parce qu'il n'a plus aucune raison d'être, ni d'exister, ni... C'est un mauvais système finalement. Donc, mais lequel enfin, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça ? Ben, le système dans lequel on est, parce que, en fait... C'est-à-dire lequel ? Le chômage, le travail, etc. Ça reste quand même une prison dorée où on te tient tout le temps par le biais du pognon. Et on te tient, et on te tient, et on te tient, et voilà. À un moment, ça doit tomber. Donc, je pense que dans mon cas, oui, c'est révoltant tout ce qui arrive. Mais en tout cas, moi, c'est cette révolte qui va me pousser à sortir de ça et aller vers ma voie, vers voilà, la création de ma vie. Et c'est cette révolte qui va me faire réagir. Donc, quelque part, ce n'est pas une révolte négative. Oui, elle peut être prise négativement. Oui, je pense sais. Qu'il y a plein de gens qui vont être... ben voilà, ils ont pas... Tu comprends okay. Ça peut être hard aussi. Mais on peut prendre alors le cas de Cuba, qui vit en embargo depuis des années. Bien, ces gens-là arrivent avec... j'en sais rien, un truc de déodorant en plastique... à créer des prises électriques avec deux câbles. J'ai vu une nana qui est coiffeuse à Cuba, qui n'a pas du tout les moyens de s'acheter des bigoudis, tu vois, des rouleaux de coiffure, etc. Ben, elle récupère tous les rouleaux, les cartons de papier toilette, et elle a un petit salon chez elle où elle fait des miracles avec ses cartons de papier toilette, quoi. Donc, à un moment, quand on n'a plus rien et qu'on a, voilà, qu'on se retrouve devant le fait accompli, les gens sortent une créativité de ça incroyable. Et ça, c'est positif. Mais tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, je sais. Mais il y a déjà un... À l'entendre et à le faire, et évidemment. Je sais, mais bon, on va être poussé à ça, je pense. De toute façon, il faut un changement. Ce système-là, il ne tient plus en place. Arrêtez, système consommation, capitalisme, ça ne tient plus. On voit bien vers quoi ça va. Donc, à un moment, ben, il va falloir retourner à autre chose. Mais c'est clair, ça ne va pas se faire sans mal. Oui, il y avait par rapport à cette question que tu évoques, hein, des ruptures sociales, on me disait il n'y a pas tellement longtemps que Paris, 1950, il y avait de grands bidonvilles. Et donc des gens vivaient dans des conditions de grande pauvreté. Je sais qu'en 1940, c'était très, 1945, c'était très clair. Hein. J'ai une expérience d'une personne que j'ai fort connue, petite fille qui vivait avec des râles dans l'espace de vie, dans un troisième étage ou un cinquième étage, je ne sais pas. Donc il y a quand même un chemin qui a été fait pour peut-être réduire la pauvreté et la misère. On voit qu'à Lille, maintenant, il y a de nouveau des personnes qui vivent sous tente ou sous rien du tout, peut-être, dans Lille. C'est tout près d'ici, finalement. Et que c'est un nombre qui grandit. Et ça, c'est quand même très dur ou très, très, très préoccupant aussi. Très dur pour les personnes, très préoccupant pour qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut prendre comme position par rapport à ça. On voit qu'en Flandre, maintenant, les mesures vont dans la réduction des budgets sociaux et culturels. Donc j'imagine que dans 5 ans, en Flandre, on va revoter autrement pour revendiquer quand même qu'il y ait une forme de respect de tous, des plus petits d'abord, comme diraient nos amis en Inde, le Sarvodaya indien. Le bien commun se travaille à partir de la capacité de prendre soin des plus petits, comme on fait dans une famille. Et ça, c'est une valeur pour moi qui m'a vraiment fort inspiré depuis quelques années, où j'ai eu la chance de rencontrer des gens du mouvement Acta Paris, des paysans sans terre, etc. Et puis on me disait, il n'y a pas longtemps, à Détroit, qui est une ville qui faisait de l'automobile jusqu'à quelques années, où tout a disparu, les groupes automobiles ont été mis en faillite, etc. Et donc la ville, les maisons étaient abandonnées parce que les gens ne savaient plus payer leurs maisons. Et c'était une misère qui s'était installée. Puis tout doucement, maintenant, on passe de la misère à la pauvreté, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire obligé de revivre là, ou d'autres ont vécu avant, c'est peut-être pas les mêmes personnes, mais ils reprennent un espace, et ils le reverdissent et ils revivent, mais avec le choix de la pauvreté ou de la sobriété. De toute façon, ils n'ont pas d'autre alternative, puisqu'ils n'ont pas de carte de crédit. Enfin, l'image des cartes de crédit, on achète à consomme. C'est quoi la différence entre la sobriété et la pauvreté, Alain ? Je dirais la différence entre la misère et la pauvreté. Pour moi, pauvreté ou sobriété, ça peut être à peu près la même chose. En ce sens que c'est la capacité de vivre extrêmement simplement, avec peu, et dans la joie de ce que l'on va construire ou fabriquer soi-même. La misère, comme dirait un grand diplomate iranien, la misère chasse la pauvreté, c'est quand on te dit que tu es pauvre, et que donc tu es malheureux parce que tu es pauvre. Il est probable que si tu vis dans des conditions de maltraitance, tu es probablement en sentiment de misère plus que de pauvreté. Pauvreté, c'est être probablement capable de vivre avec de quoi se loger ou être abrité, de quoi se nourrir. Mais ça n'a rien à voir avec l'inconfort, ça n'est pas nécessairement inconfortable. Et c'est le choix d'une forme de... ou la capacité d'être en sobriété. La misère humaine se trouve aussi dans des maisons belles extérieurement, où la personne souffre de solitude grave ou profonde, se réfugie dans l'alcoolisme ou même dans la violence familiale, parce qu'on est obligé de continuer à vivre dans un espace qui finalement n'aurait peut-être pas choisi fondamentalement. Ouais, ou les images que tu renvoies, ça renvoie aussi, il ne faut pas forcément qu'il y ait de la violence ou de l'alcool, mais à regarder la télévision, oui, non-stop, enfin... Moi, j'ai cette image-là, par exemple. Oui, c'est une forme de misère humaine, ça. Quand tu vis heure par heure dans des espaces culturels comme celui de la télévision que tu n'as pas finalement décidé toi-même de créer, qui t'est inoculé, ingurgite, que tu ingurgites par l'image ou par le son ou par la nourriture. Le royaume du fast-food, c'est impressionnant. Quand on te fait manger de la nourriture toxique, Oui, je trouve ça, c'est aussi une bonne image, quoi. Ça, c'est de la misère humaine. Je trouvais là, probablement que 85% de la population en Belgique souffre de ça. C'est beaucoup, 85%, on dit. Mais je sais pas, hein, c'est tout ça. Ce qu'on trouve dans les grands magasins, dans les grandes surfaces, est inutile comme nourriture. C'est des paquets de chips, c'est des softs, c'est tout ce qu'on veut. Et le reste est probablement toxique, puisqu'il y a eu des pesticides dessus, etc. Et donc, quelque part, on est dans une nouvelle forme de misère, puisqu'on ingurgite des choses qui ne sont pas saines pour le système digestif. Enfin, quelque part, c'est impressionnant. Ce qu'on montre à la télévision, ben, cet espace de violence que tu dénonçais tout à l'heure, ben, il est flagrant, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on dénonçait tout à l'heure ? La violence. Ben, ce que la télévision montre, avec la grande majorité des films, probablement, sont des films de propagande pour un système d'emprise violente. C'est ça qu'il disait, qu'une femme avait amené son enfant à être un peu plus... Dans une pièce de théâtre, oui. Ouais. La pièce de théâtre, la télévision ne propage que ça. Enfin, je ne vois pas très peu de contre-exemples, à part peut-être de temps en temps quelques réalisateurs inspirés qui essayent autrement. Mais oui, heureusement qu'ils sont là, parce qu'il y en a quand même. Hein, il y en a quand même. Carole, réaction sur ça, sur autre chose, d'amener la conversation, parler de nomadisme, on parle d'être créateur de son propre monde. Oui, écoute, moi je n'ai pas de télévision depuis 15 ans, parce que ça ne m'intéresse pas de payer pour m'intoxiquer, donc je laisse tomber ça. Voilà, je ne travaille plus pour l'instant, je lis beaucoup, et j'ai beaucoup étudié, comme disait Alain, oui, les produits toxiques, ce qu'on mange. Moi j'ai été plus sensibilisée par la cosmétique, où j'ai fait une étude par rapport à tous les produits qu'on s'applique sur la peau, les gels douche, etc. Voilà, j'ai tout étudié. Et puis de là, je me suis rendu compte que tous ces produits contiennent des bases de pétrole, voire même des ingrédients avec lesquels on fabrique les bombes. Donc ça m'a quand même... beaucoup interpellée, et j'ai développé donc certaines curiosités à aller voir un retour au naturel, quoi, aux plantes, aux remèdes naturels, etc. Et voilà, je pense que la création de ma vie, ce sera d'aller justement vers ça. Je vais essayer de sensibiliser les gens à tous ces produits toxiques et au fait que surtout il existe autre chose, et que n'importe quelle personne peut prendre 10 minutes de son temps sur une journée et se fabriquer sa petite crème ou son petit gel douche qui coûte en réalité 4 fois moins cher que ce qu'on vend dans les grandes surfaces, et qui est tout à fait bio et qui est tout à fait sain pour la peau, etc. quoi. Donc voilà, moi je pense que la création de ma vie, je vais l'amener vers ça. Chacun, comme je te disais tout à l'heure, peut mettre sa petite pierre à l'édifice. Donc chacun va aller vers des choses différentes. Mon truc à moi, c'est ça. Et tu parlais de... Tu n'es pas accro à la télé. Excuse-moi, mais moi j'aime bien les titiller. Mais t'es accro à quoi alors? Je lis. À l'histoire, je suis accro à l'histoire, aux plantes. Je serais curieuse, mais il y a beaucoup de librairies, il y a beaucoup de bouquins. Il n'y a pas que... Non, je n'ai pas la télé, non, ça ne m'intéresse pas, parce que je trouve que c'est très cher, et j'ai pu regarder des programmes chez certaines personnes qui ont la télé, et ça ne me correspond pas, ça ne me convient pas, ça m'empoisonne, quoi. Enfin, ce que je vois ne me remplit pas, ça me détruit, ça ne me convient pas. Donc je vais vers les lectures, je vais vers les bouquins, vers les gens. Ça c'est ton accro, ça c'est ta dépendance. Oui. C'est ma dépendance. De voyager, de rencontrer des gens. Je suis beaucoup au Maroc, où je suis beaucoup là-bas, dans l'Atlas, avec des gens, avec des berbères, qui n'ont rien, qui vivent dans la terre, mais qui savent encore se soigner avec des remèdes naturels. Fantastique, il n'y a pas d'hôpitaux, il faut faire 300 voire 600 kilomètres avant de trouver un hôpital. Donc ces gens-là n'ont absolument pas les moyens, mais ils ont un retour à la terre, un retour aux remèdes, parfois alchimiques. Et ils s'en sortent très bien. Ils sont loin de tout ce système. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent même pas et vivent très heureux comme ça. Donc voilà, c'est en voyageant et en rencontrant en tout cas des gens qui sont dans ce sens-là, qui vont dans ce sens-là, où j'aime bien d'aller dans des endroits où les gens n'ont rien et voir un peu comment ils font pour se débrouiller, comment ils font pour se soigner. Mais quand on parle de rien, parce que vous avez l'air d'accord tous les deux, hein, moi, je comprends le mot sobriété, c'est-à-dire qu'on est dans une... Mais je le comprends pourquoi, parce que voilà... Bon, dans certaines cultures, moi, je n'ai pas voyagé beaucoup dans d'autres cultures, mais j'ai beaucoup voyagé avec les gens. De me dire que même à l'intérieur de la Belgique, vous allez dans un village qui est à côté du vôtre, et c'est une autre culture, c'est une autre pensée. Voilà. Mais vous avez l'air d'accord tous les deux pour dire que vivons simplement Donc, je comprends le mot sobriété, être sobre. Mais on peut être sobre parce qu'il y a profusion. Je m'explique. Hein. On est dans un monde où on jette, on produit comme des malades. On n'a pas besoin de tout ça. Donc, c'est normal que nous, moi, je vais parler pour moi, que je pense qu'il y a un besoin d'être sobre là-dedans. Maintenant, je ne peux pas penser... Ce qu'un pays ou qu'une culture, si c'est, ils vivent simplement parce que ce n'est pas le même monde que moi où je nais, où il y a des tonnes et à jeter. Et, tu comprends? Donc il y a ça que je voulais dire. Et j'ai perdu mon fil maintenant. Donc la sobriété, ben oui, j'en ai besoin parce que sinon je suis étouffée par le trop. Voilà. Et que pour vous, ça fait... Vous voyez un petit peu, vous parlez de ces pays, mais oui, ils vivent, ils sont heureux avec rien et machin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai l'impression que moi, ma richesse, et c'est là tout un avantage, et c'est vachement important, c'est que je peux lire, je sais lire. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est... Moi, j'en ai fait quelque chose de positif, parce que je peux me nourrir d'histoire... Je trouve qu'on a l'avantage quand même, nous, Belges, pays riches, parce que parlons de là où on est, ben voilà, on a le choix quand même, on a le choix de la sobriété. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire que les gens là-bas au Maroc, puisque c'est de ça qu'on parlait du Maroc par exemple, n'ont pas le choix, mais il faut être riche de l'intérieur, quoi. Oui, oui, c'est clair. C'est peut-être... Oui, avec Alain, on va chercher les extrêmes. Lui part en Inde, moi je pars au Maroc. C'est vrai qu'à côté de chez toi, tu peux aussi trouver des gens avec une mentalité tout à fait différente. Mais je pense que moi, dans mon caractère, j'avais besoin d'aller dans l'extrême. Voilà, ça m'intéresse à côté de chez moi ce qui se passe. Mais j'avais besoin, pour ma quête intérieure, d'aller peut-être pousser... à l'extrême, mon expérience. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est plus... je ne me pose pas la question pourquoi tu vas là-bas. Je veux dire, en gros, on est dans une société où on prend l'avion comme on respire, c'est hyper fastoche. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. Mais c'est pas ça que je me pose la question, c'est de se dire, ben... Je parle plutôt de la sobriété, quoi. Ben oui, on a envie d'être sobre parce qu'ici, il y a trop plein, et donc t'as envie de revenir à l'essentiel, quoi, de pas te faire bouffer par la grosse machine. Que dans ces pays-là, ben la sobriété, ils appelleront pas ça la sobriété, c'est leur vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est leur manière d'être, et nous, quand on réfléchit il y a longtemps, on vivait aussi simplement, vous voyez, voilà. J'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure, là, on est étouffé par le trop. Je crois que c'est une très belle question, celle-là. Ça amène peut-être l'exemple que je racontais tantôt d'aller en montagne chercher dans un gîte un peu assez puré. Ça, pour moi, c'est une belle illustration de ça. À un moment donné, on dit « au secours ». Et ce que j'ai dénoncé, enfin, j'ai eu la chance de revenir de ce côté-ci de la Meuse, du côté de Crupet, Spontin, etc. En Belgique. En Belgique, où je sens que c'est beaucoup plus paisible, plus calme, plus ancré dans une vie concrète. Beaucoup plus que dans l'agglomération bruxelloise, de Louvain-la-Neuve, etc., où on est en perpétuelle course à penser le destin, à essayer des tas de solutions. Alain, je te coupe, hein, mais c'est vraiment bienveillant de ma part. Hein, c'est gentil, je veux dire, je suis pas là. C'est parce qu'on est là dans la pensée, mais évidemment, ici, c'est plus calme parce que, point d'interrogation, il y a moins de monde. Mais quand on regarde les gens qui vivent, je veux dire, c'est vraiment les cités dortoirs, c'est des maisons super moches. Les gens travaillent aussi, ont leurs grosses voitures. Enfin, ne rêvons pas de quelque chose qu'on aimerait que ça soit, mais regardons la chose comme elle est. Je veux dire, évidemment, ici, la nature est plus forte parce qu'il y a moins de monde. Parce que, voilà, est-ce que... Qu'est-ce que... Je crois que c'est pas... Il n'y a pas que ça. Il y a des gestes, il y a pas mal de gens ici qui ont fait le choix de venir beaucoup plus simple. C'est vrai que dans des endroits peut-être comme Cours-Saint-Étienne par rapport à Wavre, les gens de Cours-Saint-Étienne sont restés plus, c'est vraiment un sentiment, hein, donc c'est pas une réalité, c'est pas une vérité, beaucoup plus proche d'un monde plus simple, plus sobre. Dans des endroits où il y a une forme de course, via le système d'argent probablement, à consommer davantage, que ce soit de la télévision ou du culturel. À un moment donné, c'est moins facile probablement de dire, bon, où sont mes racines, qui suis-je? Et donc je reviens à l'idée de le trop est étouffant à un moment donné, et donc c'est très inspirant. Ben, il y a des personnes qui, dans certaines traditions, vont ce qu'on appelle l'église tous les dimanches. Je crois que c'est un geste de réconciliation avec soi-même, et de retrouver un petit peu de pureté dans le quotidien, et ça se partage avec d'autres. Et je voulais revenir avec nomadisme et créativité, parce que Carole disait, bon, on est dans un système qui maintenant est en train de casser, pas mal de gens vont le faire très rapidement dans les années à venir probablement. Je ne sais pas, beaucoup peut-être vont être conduits à la misère, parce qu'on les a mis dans un système aussi d'emprunt et de dette, etc. Mais peut-être que d'autres vont y échapper du fait de la créativité. Et en étant capable d'être nomade, c'est-à-dire de se bouger, soit physiquement d'un lieu vers un autre, soit de changer d'habitude, de changer de manière de se comporter au quotidien. Et donc ça demande d'être ouvert à la créativité, de recréer autrement. Comme dirait Ben Assayak, résister, c'est créer, résister à ce trop que tu énonces, toi, Grazi. C'est une première chose. Et puis il faut recréer, ça c'est indispensable. Et un truc qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est le faire ensemble, en lien les uns avec les autres. C'est pas nécessaire, on peut prendre le mot réseau, mais ça devient un peu technocratique comme propos, mais accepter d'être toujours en lien avec quelqu'un. Moi, j'appelle ça les alliés, on ne sait rien faire tout seul. Il faut toujours quelqu'un ou des quelqu'un plutôt sur lesquels tu t'appuies, ne fût-ce que moralement ou parfois en termes d'intelligence. Je trouve ça, c'est très précieux. La personne qui met un peu les mains pour que tu puisses mettre ton pied et faire le petit levier qu'il fallait juste à ce moment-là, quoi. La courte échelle. À courte échelle, tout à fait, voilà. Et en gros, c'est qui Ben Assayak? C'est comme ça qu'on dit, brièvement à nous. Miguel, qui ce bonhomme? Miguel Ben Assayak, que j'ai lu une fois ou deux, mais que d'autres ont déjà rencontré, est un psychiatre argentin qui a connu l'époque de la dictature et lui-même a subi la torture. Il vit en France et il a beaucoup réfléchi aux systèmes humains. Et ce que je vais résumer, peut-être de manière maladroite, parce que je ne suis pas préparé à être clair dans le propos, nous ne sommes pas là pour prendre le pouvoir. Nous sommes là pour vivre et à donc recréer collectivement des solutions là où nous sommes, dans une situation très concrète. On n'est pas là pour changer le système, on n'est pas là pour abattre le capitalisme ou quoi que ce soit, on a juste le droit et peut-être la joie d'essayer de mener les pas qu'on peut faire avec d'autres là où on est. Dans tel village ou dans telle ville, que ce soit en Inde, au Maroc ou en Belgique ou aux États-Unis, etc. Et ce qui est fascinant de mon point de vue, c'est d'avoir été aux États-Unis il y a 5 mois maintenant, la chance de rencontrer des tas de gens qui soient dans le reserve, donc les réserves où on condamne les Indiens, les Red Indians en tout cas, à vivre, et pour la moitié d'entre eux, dans l'alcool et la drogue, mais l'autre moitié pas. Certains ont dit non, je reprends les racines de ma culture, qui est une culture qui est très fortement liée à la nature. Et globalement, on appellerait ça aspiration à la pauvreté ou au dénuement, mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour vivre dignement et avec joie. Et il y a pas mal de gens aux États-Unis qui ne sont pas nécessairement des Red Indians, mais qui sont aussi à la recherche. Il y a des gens qui ont créé une association qui s'appelle Garden in Humanity, ça signifie, je traduis un peu, c'est un peu ce que le terre humanisme ici, de Pierre Ravif, dans ce mouvement-là, pour moi c'est une inspiration assez semblable, c'est reprenons nos racines physiquement, c'est-à-dire en mettant la main dans la terre, même si moi je ne suis pas un jardinier, je n'arrive pas à faire ça, mais pour moi c'est plutôt la forêt. Ou bien le rapport aux plantes que tu évoquais, Caro, c'est aller rechercher un peu dans ce que donne la nature, comment recréer à partir de ça, parce que ça c'est la vérité ultime, ou définitive pour moi, c'est la nature. Nous sommes nature, nous sommes partie de nature. Ce qu'on invente par notre cerveau est toujours source de danger, à mon avis. Donc on est très très prudent lorsqu'on a un cerveau qui va très vite, parce qu'on est capable d'élucubrer des bombes atomiques. Oula. On arrive à la fin. Hein, petit mot de la fin. Mais c'est vrai, on est capable de faire des bombes atomiques. L'être humain, je trouve qu'il a quelque chose de génial. Après, on a quelque chose de génial, quoi, quand même. Mais après, bon, il est fou aussi. À quoi ça sert tout ça? C'est là. Jusqu'où va aller cette folie-là, quoi? Le bruit qu'on entend, on dirait une cafetière, mais c'est un poêle qu'on entend là. Mais la folie, elle existait de tout temps. Il y a une chose que j'aime, qui m'a interpellé, c'est de voir qu'Aristote dénonçait la crématistique, c'est-à-dire la spéculation. Crématistique. Crématistique. Yes. Donc il y a 2500 ans, on s'est rendu compte que le fait de rechercher l'accumulation sans fin de moyens financiers, en l'occurrence, crée des désordres profonds dans les groupes humains. Que ce soit des villages ou des villes, que les cités existaient déjà. Mais ça, c'est une folie, probablement. C'est même probablement la genèse de la grande folie des sociétés ici, où finalement, on a déjà spolié notre propre capacité à vivre sur Terre, puisque celle-ci, en une demi-année, et puis sa capacité de régénération, a priori sur un an. WWF, il y a 3 jours. Et donc, regardons ça, sachant que ça existe. Sachons aussi, comme dirait de nouveau Ben Assaya, qu'il y a des gens qui font des guerres de mirador à mirador, c'est-à-dire j'envoie mon armée dans la vallée, moi je reste dans mon château, je regarde l'autre château bien au loin qui a envoyé son armée, et donc il y a des pauvres malheureux au milieu. Ok, ça on doit absolument condamner ce genre de choses, c'est inacceptable, c'est de la violence directe, que ce soit la spéculation. 2008, spéculation sur le blé, 100 millions de personnes en plus ont eu faim. C'est de la violence directe. Phénomène spéculatif d'accaparement de richesses. On doit se prémunir de ça, on doit savoir que ça existe. Comment est-ce qu'on met des garde-fous globalement par rapport à ça? Je reviens à nos petits pas du quotidien parce que ça, ce sont des solutions qui doivent se construire par la contagion positive de tas de gens qui, dans leurs pays respectifs, peuvent énoncer qu'on doit se prémunir de ça. Hein. Maintenant, là où on est, on a quand même le droit de choisir de vivre en joie. En recréant là où on est au quotidien, ça me paraît indispensable. Et l'inspiration la plus puissante, à mon avis, c'est d'être en lien. Pour moi, ce sont les arbres. Pour d'autres, ce sont leurs tomates. Pour les troisièmes, ce sont des plantes. Et je crois que là, on ne se trompe jamais. Ce serait le mot de la fin? Ou bien je laisse un petit espace pour... Ouais, c'est bon. Bon, ben... Merci à vous.